de Dieu, l'épée de l'esprit. Sois soldat de Dieu, ceci donne du prix. Le prince des ténèbres s'est déchaîné. Qui défend la vérité? Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. De toute l'armée, de toute l'armée de l'enfer, n'aie pas peur, car Dieu te rendra vainqueur. La parole tranchante est tendue par ceux qui croient être des interprètes de Dieu. Ennemis de la croix du Seigneur Jésus, ils ont manqué le vrai but. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. De toute l'armée de l'enfer, n'aie pas peur, car Dieu te rendra vainqueur. Beaucoup cherchent l'honneur et aiment le monde. Peu nombreux sont ceux qui de vie surabondent. Lui peut croire que Dieu peut donner la victoire, nous transformer à sa gloire. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. De toute l'armée de l'enfer, n'aie pas peur, car Dieu te rendra vainqueur. Que d'âme errante sans vrai réconfort, cherche l'esprit, la vie, mais ne voit que mort. La parole de la croix s'est libérée, montre-leur les trois sentiers. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. De toute l'armée, de toute l'armée de l'enfer, n'aie pas peur, car Dieu te rendra vainqueur. Répandant autour de toi la vérité, oh, demande à Dieu qu'il t'apprenne à aimer. Offre-toi pour la cause de notre roi, ne crains point, Dieu est pour toi. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. De toute l'armée de l'enfer, n'aie pas peur, car Dieu te rendra vainqueur. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. Marche dans la foi, marche dans la foi en Dieu. De toute l'armée, de toute l'armée de l'enfer, n'aie pas peur, car Dieu te rendra vainqueur. Espagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Le frère Alex Charlie, bonsoir, on ne te voit pas. Donc, comme je disais, je suis un mobile, donc ce qui fait que hein, comme je n'ai pas encore l'ordinateur, ça me fatigue un peu. Oui. Donc, je crois que voilà, si par la grâce de Dieu tout est réuni, je crois que je pourrais vous rejoindre dans ce volet-là. Mm-hmm. Bonsoir, tu es de quel côté en Espagne? Tu es dans quelle ville? Je suis à Burgos. Ok. La sœur Linda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Frère Junior. Bienvenue. Merci. Mm-hmm. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, d'accord? Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Alors, on prend une ponctuation musicale et puis on revient tout de suite, d'accord? Le temps d'attendre Louise et les autres. À tout à l'heure. D'accord. Fortaleza, eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Sin ti, Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús, te amo. Jesús, te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. A ti cotí, Señor. Mi fortaleza. Fortaleza. Eres tu Señor. Tu Señor. Y yo te canto de todo mi corazón. Y yo te chanterai, Señor, de todo mon cœur. Toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donne. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime. Jésus, te amo. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. À ton lado, Seigneur. Ma forteresse. Ma fortaleza. Toi, Seigneur. Eres tu, Seigneur. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Et je te canto de todo mi corazón. Jesús, te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. Fortaleza, eres tu Señor. Y yo te canto de todo mi corazón. Jesús, yo te amo. Bienvenue encore après cette ponctuation musicale. La seule Linda, ça va? Ça va, le frère Junior. El libro del Juan, capítulo 13. Esta tarde. Bonsoir et bienvenue à au frère Stéphane Lenou. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans Espagne, dans la sainteté ce soir. Le micro de notre frère est fermé. Bonsoir et bienvenue à notre frère Stéphane. Tu es? Bonsoir, bonsoir frère Junior, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. La sœur Linda. Para que todo aquel que en él creo no se pierda, mas tenga vida eterna. La sœur Linda, où est la sœur Rose? La petite Rose avait son papa. Au moins aujourd'hui, ça veut dire que ton micro est ouvert, on pourra bien travailler, n'est-ce pas? Oui, frère. Voilà, je te dis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mon frère Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Je prends la commande de ton écran. Ne sois pas surpris. Dis-moi, je t'ai surpris là, mais ça, c'est quoi encore ça? Non, ne t'inquiète pas. Je vais diviser en deux alors. Moi, mon image qui apparaît sur l'écran. Oui, je divise en deux, d'accord? Voilà. Bonsoir, bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Alors, il y a le frère Alex Charlie là qui est connecté. On peut travailler? Sans problème. J'attends les questions. Avez-vous des questions? Vous posez des questions. En fait, j'ai une question concernant. Bon, j'ai eu à écouter un de vos enseignements et la parole de Dieu nous dit dans Genèse que voilà, Dieu se reposa le septième jour. Donc vous avez mentionné, mais sans expliquer. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Bon, quand il fait référence à il se reposa le septième jour, en fait, quelle est la significative, la signification de cette parole-là? Bonne question. Le frère Stéphane, elle en est inquiète, mais va te répondre cela. Frère Stéphane, on t'entend, on t'attend. Dieu se reposa le septième jour. Comme le frère a dit, Dieu ne sommeille ni ne dort. On n'a pas dit que Dieu dorma le septième jour. Bon, dans ce cas, pourquoi il se repose? Comment? Dieu se fatigue aussi. Quand on a dit qu'il était fatigué, si on se dit qu'il se reposait, moi j'ai éliminé tout ça. Franchement, frère, je ne sais pas. Donc il se Je ne repose sais pas. sans être fatigué. Alors, le frère Charlie, pendant que notre pasteur est en train de méditer, je te pose aussi la question. Quand tu as lu cela dans ce Genèse chapitre 2, là, tu pensais qu'on parlait de quoi? Allez, les questions. On a beaucoup de questions là. Oui. J'ai bien entendu ça. Non, il y a d'autres questions. Oui. C'est parce que, au fait, je crois que cette phrase a créé un peu un certain problème à un certain niveau. Parce que, comme il dit, il bénit le septième jour. Oui. Donc, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que la plupart du temps, les personnes pensent que le septième jour, c'est dimanche, et que dimanche a été béni par le Seigneur. Donc, le fait que voilà, tout le monde s'adonne à dimanche pense qu'ils sont bénis. Donc, je crois que vu que dans Jean, Dieu dit voilà, la dispensation a changé et que maintenant ça sera plus dans les montagnes, que ça sera en esprit en vérité. Donc, je crois pas qu'il y a un jour spécial spécifique qu'il faudrait louer Dieu. Je crois que tous les jours, cette parole-là prend son essence après la déclaration de Jésus-Christ vis-à-vis de la Samaritaine. Mais c'est le fait qu'il dit voilà, il s'est reposé, c'est ce qui un peu me voilà, j'arrive pas bien à comprendre si c'est une manière de dire autre chose vis-à-vis de la parole, parce que vous avez dit que souvent il y a des pieds d'achoppement dans la parole. Je crois que peut-être souvent aussi ça peut être en un. Oui. Donc ce qui un peu pose beaucoup de questions à ce niveau-là. As-tu déjà confronté la doctrine des Adventistes des septièmes jours? Non, pas encore. Courage, donc tu es dans un monde là. Allons dans ce livre de Genèse et voyons ce qui est dit dans ce livre. Nous sommes au chapitre 2 de Genèse, versets 1 et 2 et 3. Parce que là, dans ta déclaration, tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de la Samaritaine, la conversation avec la Samaritaine, qui n'a rien à voir avec le septième jour du repos. Parce que là, il est question de l'adoration de Dieu. Et ici, il est question du jour du repos. Deux choses différentes. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire ici, on ne traite pas de l'adoration de Dieu ici. Ici, on traite du repos de Dieu. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que le repos de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait parler par repos? Parce que n'ayant pas compris ceci, on est arrivé à sortir de la doctrine que Ellen G. White, avec son mari, avec concocté en 1800, avec les millénaristes, tous ceux-là qui sont sortis là, témoins de Jéhovah, avec les Joseph Smith, chacun a sorti de sa branche là, et sorti les sectes que nous avons aujourd'hui. Et chacun, Mobiscus, soutient effectivement que ça sort de la Bible. Et effectivement, les sectes doivent sortir de la Bible. Nous allons examiner maintenant ce que c'est que le repos d'âme. d'après ce que la Bible est en train de dire. On va aller doucement dans la perspective de l'ancienne alliance, puis dans la perspective de la nouvelle alliance maintenant, et voir ce que cela signifie, d'accord? Ok. Chapitre 2 donc de Genèse, verset 1 à 3. Allons-y. Ah. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. Je continue. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y a eu une création, plusieurs créations. Mmh. Et après le constat de toutes ces créations, il y a une bénédiction qui a été faite. Voilà. Est-ce que ceci a trait à voir avec l'adoration dont tu parlais dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine? Ok, ici, comme je parlais de l'adoration, vu qu'il bénit le septième jour. Oui. Et nous nous sommes fixés que le septième jour c'était le dimanche. Et que le dimanche était supposé être le jour béni de Dieu. Mm-hmm. Fonction de ce que j'ai eu à relater un peu plus haut. Oui. Ok, j'ai fait un peu, comment on peut le dire, histoire avec celui de la Samaritaine. Oui. Vous dites que maintenant, Dieu change cet aspect où c'est un jour spécifique où Dieu avait béni, que cela maintenant a changé, vu que maintenant, comme c'est un esprit, donc tous les jours sont un jour béni, vu que l'esprit maintenant y est. Donc c'est un peu ça que je fais un peu la relation. Ok, ok. Maintenant, on va y aller doucement. On va y aller doucement, d'accord, mon cher? On va aller doucement. D'abord, la première chose à faire, c'est qu'il faut d'abord qu'on admette et que tu saches que le septième jour n'est pas dimanche, mais plutôt samedi. Ok. Donc, le septième jour, c'est samedi, pas dimanche. Donc, ça veut dire que normalement, s'il fallait donc adorer un jour et se reposer ce jour-là, ce sera le samedi, pas le dimanche. Oui. Voilà. Et ce jour de repos, dans le langage hébraïque, est appelé Shabbat, donc le repos. D'accord? Oui. Maintenant, dans la Genèse, Dieu parle de façon prophétique dans les choses éternelles pour ce qui devrait être détaillé dans les Saintes Écritures plus tard. Comme par exemple le sacrifice d'Abel, le sacrifice à l'issue du péché d'Adam, Dieu n'a pas besoin de donner le détail dessus. Ce sont des pensées de son plan qu'il a caché en lui, qu'il commence à révéler au travers de ses caractères et de ses agissements. Dans les agissements de Dieu dans la Genèse, Dieu agit en signe de son plan futuriste, puis vient donner les détails dans la loi pour expliquer ce que ça signifie, enfin vient réaliser cela dans le Nouveau Testament. Voilà le principe des Écritures, d'accord? D'accord, mon cher Charlie. Vous m'entendez, vous les autres m'entendez, n'est-ce pas? Oui, frère Junior, mais vraiment, je n'ai pas compris ta dernière phrase. Donc, voici ce que je l'ai dit. Il dit dans la Genèse, Dieu pose les actes qui sont issus de son dessein, de son plan à lui qui va développer plus tard. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et dans ce plan-là, il commence à donner des clichés de ces détails dans l'ancienne alliance. C'est ce qui ressort de la loi. C'est-à-dire que ce sont les images de ce qui doit être réalisé. Le Nouveau Testament explique clairement et met de façon explicite la pensée que Dieu avait eue dans la Genèse et dont on avait donné l'ombre dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'il sonne de dire. C'est bien saisi maintenant? Ok. Je donne un exemple. Oui. Donc, je suppose que ce fait-là n'a rien à voir avec. N'a aucune relation avec le fait que Jésus-Christ annonce. Comment on peut les dire cette parole-là, la Samaritaine? C'est deux choses distinctes. Donc, ça n'a rien à voir avec cela, effectivement. On va voir effectivement où est-ce que cela a à voir. On va y entrer, d'accord? Maintenant, prenez les stylos et commencez à noter dans les versets qui vont venir. Et au fur et à mesure, je vais donner les versets correspondants. Nous commençons donc d'abord dans ce Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. C'est le premier verset où commence ta question. D'accord? Comme il y a beaucoup de questions, je vais aller de façon survolée, d'accord? Mais il y a un enseignement sur Bamba Ibako, vous pouvez taper le chrétien et le sabbat. Je crois qu'il y a la version, il y a ça en anglais et en français. Vous pouvez suivre selon votre langue, c'est que, il n'y a pas encore en espagnol quoi. Alors, donc, nous allons examiner maintenant c'est quoi le repos de Dieu. D'accord? Notez donc d'abord, premièrement, Genèse. J'attends seulement que puisse le Seigneur nous accorder la grâce maintenant. Merci Père, merci Père. Commençons maintenant. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Je vais lire maintenant. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Soulignez maintenant, il se reposa. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc, concernant le septième jour, deux choses sont dites ici par rapport au septième jour, que Dieu a béni effectivement le septième jour et il a également sanctifié. Sanctifié, ça veut dire que mettre à part ce jour-là. Donc, ce jour-là a été mis à part. D'accord? Voilà, maintenant. Et puis on parle de que Dieu s'est reposé de son œuvre. C'est un peu comme un être humain qui travaillerait lundi, ce vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et puis vendredi, il dit, ouf, je dépose des âmes, je me repose chez moi. Donc, physiquement, vous commencez à comprendre que Dieu a un aspect humain en lui, qui désire nous faire comprendre. Mais puisqu'il nous fait comprendre les choses spirituelles, il prend les choses que nous faisons sur la terre, comme vous travaillez dans le champ, pour pouvoir nous expliquer les choses spirituelles. Donc la première chose à admettre ici, c'est que Dieu a envie de parler des choses spirituelles d'abord. Il ne parle pas des choses physiques. Parce que l'esprit ne se fatigue pas. Vous me suivez? Parce que Dieu est esprit. Si c'était un être humain, alors c'est à cause de même le péché. Et ici, il n'y a même pas encore le péché. Donc vous voyez effectivement que si on prend en considération du fait que nous sommes dans la perfection de la perfection, il n'y a pas besoin de couler la sueur nulle part. Parce que la sueur est venue à l'issue du péché. N'est-ce pas mes frères? Oui. Les fatigues du travail sont venues à l'issue du péché. Donc il n'y a pas de péché ici. Donc il n'est nulle part fait mention ici. C'est-à-dire que si on veut aller dans la compréhension biblique, ici il n'est pas question du repos par suite d'une fatigue. Parce que la fatigue est arrivée au niveau. La fatigue signifie automatiquement faiblesse. Vous voyez cela? Parce qu'on a travaillé jusqu'au bout de notre force. Or Dieu est tout puissant et sa puissance n'a pas de limite. Donc il serait inconsidéré maintenant de considérer ici que Dieu est en train de se reposer parce qu'il s'est fatigué. Nous sommes d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Espagne dans la sainteté. Alors, Dieu dit ici, la Bible déclare ici qu'il a achevé son œuvre au septième jour et se reposa. Il bénit ce jour et il le sanctifia. Maintenant, la question qu'on va répondre maintenant, parce qu'à l'issue, ça va sortir de là, on va répondre que c'est quoi donc sanctifier? Gardez-vous à l'esprit la définition que je vous ai donnée. Que Dieu a une pensée en lui. Il élève cela dans la Genèse. Il explique un peu dans la loi et puis il l'accomplit dans la nouvelle alliance. Ouvrez Éphésiens chapitre 1, on y va. Éphésiens, commençons à voir, voyons quelque chose dans la livre d'Éphésiens. Que notre Père vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Merci pour cette question. Vous y êtes, Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3, le frère Stéphane peut nous lire cela. Moi, Père. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jusqu'au verset 10. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la recherche de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Voilà. Donc, d'après ce qui est ici, on voit effectivement que avant la fondation du monde, Dieu nous a élus à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ notre Seigneur. D'après ces passages et ces versets, le péché est prédestiné. Dieu a préparé tout son plan pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Donc, il attend que le moment arrive seulement selon ce qu'il a programmé. Ça veut dire que, d'après ces livres-ci, nous sommes en train de fonctionner dans un programme tracé par Dieu. Et ce programme-là, dans son cœur, il avait résolu, selon le conseil de sa volonté, que lorsque les moments seront accomplis, il va réunir toutes choses encore en Christ. Et c'est donc dans ce cas-là qu'on a envie d'aller. C'est vrai qu'en lisant la Genèse, vous ne voyez nulle part Jésus-Christ, vous ne verrez pas nulle part le trace des péchés, mais ça va entrer en action. Quelque chose va arriver, les gens vont désobéir, grandir, le monde va se remplir, plus tard, Jésus-Christ va venir. Voici dans le livre d'Éphésiens qui vient commencer à nous, nous donner l'éclairage au sujet de ce que Dieu avait en lui avant de fonder le monde. Ça, c'est terrible. Donc, d'après ce qui est écrit ici, le péché est prédestiné. La chute de l'homme est prédestinée. Tout cela pour réunir toutes choses en Christ. Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Et dans ce programme-là, plusieurs choses vont commencer à se rouler, se dérouler et puis se joindre. Il y a plusieurs ramifications concernant ce plan-ci, ce plan de la rédemption. Ce plan de perte des personnes qui lui appartiennent. Ce plan d'adoption par Jésus-Christ, le plan de rémission des péchés, afin que les élus qui l'ont été avant la fondation du monde puissent réintégrer le groupe. Vous me suivez, frère? Donc, d'après ce que nous venons de lire dans Éphésiens au chapitre 1, nous comprenons que Dieu a un plan en lui, un dessein, quelque chose qu'il a programmé. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que c'est que Dieu avait prévu, il dit, verset 10, dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, voilà le plan que Dieu avait en lui. Or, personne ne connaît cela tant que tu n'as pas été dans le Saint-Esprit. Et enfin, même si tu es dans le Saint-Esprit, il faut que tu sois dans la partie où le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Alors, en rentrant donc dans la Genèse, Dieu commence à dérouler son plan. C'est déjà qu'il n'était pas obligé d'écrire dans un livre pour nous envoyer à nous qui sommes loin, de savoir comment il a fait ses programmes, ni comment, ni pourquoi il a créé. Il pouvait tout simplement laisser tout le jour. Si la Bible n'avait pas été sur la terre, personne ne saurait rien de rien. Personne ne connaîtrait rien de Dieu, ni quoi que ce soit du soleil ou autre là-bas. Chacun grandirait, mourrait, sans savoir pourquoi les gens meurent, sans savoir pourquoi un enfant va mourir, tant pourquoi d'autres personnes sont méchantes, ainsi de suite. Personne ne saurait rien. Mais la pensée de Dieu est mise dans les Saintes Écritures afin de nous communiquer ce qui s'est passé. Ce qui a été avant, ce qui s'est passé, ce qui est avec au milieu de nous, ce qui se passera après nous et ce qui se passera avec des choses dont nous voyons, les visibles et les invisibles. Alors, dans la Genèse se trouve donc révélé petit à petit le dessein de Dieu. C'est ce qu'il faut savoir. En lisant dans la Genèse, il est question aussi d'un repos. Et nous avons convenu que ça ne peut pas être le repos suite qui implique automatiquement un synonyme de fatigue, parce que dans ce cas, ça parlerait de faiblesse. Parce que Dieu n'est pas faible. Il n'est pas donc question de ce repos-là, parce que ici, le péché n'est même pas encore entré. Parce que c'est ceux qui pêchent qui sont fatigués. Parce que la fatigue est sous le soleil. En dessous du soleil, il n'y a pas de fatigue. Au-dessus du soleil, il n'y a pas de fatigue. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que la fatigue est liée au temps. La fatigue est liée au climat. La fatigue est liée au temps, à la température. La fatigue est lié avec le temps, tout simplement. On peut le dire. Or, celui dont on parle ici, c'est celui dont le temps n'a pas d'emprise sur lui, sur aucun de ses attributs. Alléluia. Alors, cela étant défini, il n'est question ici, point de repos, comme on entendrait et comprendrait sous le plan humain. Mais pourquoi le met-il ici comme ça? On dit ce jour. Parce que si le repos n'est pas ce qu'il a dit, alors il faut qu'on observe bien le jour dont il en a parlé. Que veut dire donc septième jour? Ça c'est un, des autres choses. Et que veut dire qu'il a béni le septième jour et il a sanctifié le septième jour? Maintenant, sur le plan humain, comment ça va se répliquer? Vous regardez la Bible maintenant, vous allez remarquer que lorsqu'il a béni ce jour, il a sanctifié. Vous regardez le patriarche Abraham, Jacob, Isaac et tous les autres, jusqu'à ce que la loi vienne pour qu'on hérisse la loi, personne n'observait un jour. Vous avez remarqué cela? Hello. Voilà. Les Atlantides, c'est un jour plein, effectivement, Genèse chapitre 2. Puis vont dans Apocalypse, dans Exode chapitre 10, chapitre 20 maintenant, pour commencer à lire. Et on va suivre cette lignée-là pour voir comment Dieu va ériger cela en loi. La question, c'est pourquoi le père de la foi, qui est notre père Abraham, n'a pas obéi en un jour? Pourquoi Jacob n'en a pas fait? Pourquoi Esaïe n'a pas fait? Pourtant, ce sont les prophètes écrivains de la Bible. Les prophètes écrivains, c'est-à-dire leur vie était des écritures pour la Bible. Et on dit nous dire que le modèle de la foi, c'est lui, comme Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, il ne lui a pas donné l'alliance avec un jour, que non. Il a donné l'alliance avec sa génération futuriste. Il a donné la promesse de lui donner le pays sans que celui-ci n'ait obéi à quoi que ce soit. Pour montrer que la justification vient de Dieu sans avoir à faire une œuvre quelconque. Vous entendez ça, mes frères? Oui. Donc, alors ça veut dire qu'on va aller dans la Bible, on va comprendre le pourquoi Dieu, à l'issue de cette interrogation, on va savoir le pourquoi Dieu disait parler du repos et en quoi est-ce que ça consiste ce repos-là. Maintenant, nous allons sauter, faire un bond, puisque nous avons balayé Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, et on n'a pas trouvé le repos en eux parce qu'ils n'ont pas respecté ce jour-ci. Allons plutôt dans la loi et puis on va voir ce qu'il en est. Exode. Souvenez-vous de garder la main dans Genèse parce que si besoin le fait, on reviendra voir cela aujourd'hui. Exode, maintenant, deuxième livre de la Bible. Frère Stéphane, je salue tous ceux qui sont dans ta maison. Frère Stéphane, je salue tous ceux qui sont dans ta maison. Amen, amen, frère. Je me suis déplacé, je suis à la cuisine pour mettre un peu de bruit au salon. Pour ne pas manger, n'est-ce pas, frère? Pour manger plutôt les écritures. Comment? Tu es venu dans la cuisine pour manger quoi? Faut pas que les mamies te découragent et te déconcentrent de la parole, d'accord? Ne confonds pas la parole à la mamie. On y va? Ouais. Que Dieu te bénisse. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Vous remarquerez qu'une fois de plus, quand Dieu va faire sortir Israël, et on va comprendre une fois de plus le pourquoi il va choisir Israël et le pourquoi il va lui donner des règles. En fait, le pourquoi pour Israël, Israël avait compris. On va comprendre pour nous, qui sont les non-israélites. Nous allons comprendre le pourquoi Dieu donnait les lois à Israël. Maintenant, quand Dieu va sortir Israël du pays d'Égypte, il va leur donner premièrement la loi de la fête de la Pâque en souvenir de leur sortie et de leur délivrance en Égypte. Au fur et à mesure, Dieu va ajouter fête après fête, cérémonie après cérémonie, rituel après rituel sur ces choses afin qu'ils connaissent ces lois. Et Dieu va même se vanter avec ces lois-là, dire quel est le Dieu qui a jamais donné un seul genre de loi-là à son peuple. Maintenant, À ce sujet, est-ce qu'on peut nous appeler des païens convertis? Non, nous sommes des païens. Même si tu es converti, tu es quand même païen. Païen, ce n'est pas une insulte, c'est ta nature. Non, c'est juste pour comprendre un peu ce niveau, voilà. Oui. Si on peut dire que païen converti. Oui, en fait, si païen converti, même les juifs doivent se convertir, d'accord? Il y a les juifs qui ne croient pas au Seigneur. Donc, si eux aussi vont se convertir au Seigneur, donc ils seront les juifs convertis. Mais qu'ils soient convertis ou ne soient pas, il est juif. Que tu sois païen ou que tu sois converti ou pas, tu es quand même païen. Tu comprends ça, mon frère? Par exemple, tu es ivoirien. Tu ne peux pas dire que je suis ivoirien chrétien. Ça n'a pas de sens. Tu es ivoirien. D'accord? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Exode chapitre 20. Sentez-vous libre de poser des questions. Mais promettez qu'on suive ces fils-ci jusqu'à ce qu'on en finisse. D'accord? Alors, j'ai dû couper ma vidéo parce que la connexion est déchutée de temps en temps ici pour que la ligne soit claire, pour que vous m'entendiez bien. Et à tout moment, si vous entendez que ça se découpe un peu et vous ne m'entendez pas bien, faites-moi signe rapidement pour que je puisse changer de façon. D'accord, frère? Okay. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. J'attends que vous lisiez. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort, qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Ah, jusqu'au 10, je crois. Non, continue jusqu'au 17. Ok. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne... Ici, ma version est un peu compliquée. Tu ne payeras point. Je crois que ça veut dire. De toute façon, c'est pas en ta langue. Lis comme tu peux lire, mon frère. On continue. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point un faux témoignage contre ton prochain. Oui. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Merci beaucoup. Amen. Donc, du verset 8 jusqu'au verset 11, il est question de ces jours de repos. Nous sommes d'accord? Exact. Le verset 8 dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire, yes, il doit avoir sur le plan physique un jour où ces peuples-ci doivent le mettre à part. Parce que nous avons convenu que sanctifier, ça veut dire que mettre à part pour, n'est-ce pas, pour le service. Alors, Dieu l'a dit ici, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Puis Dieu explique pour montrer clairement qu'il est question du jour de la semaine. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Verset 9, il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Souligné dans tes portes. Est-ce que vous comprenez le pourquoi vous avez souligné dans tes portes, mes frères? Est-ce que les Espagnols comprennent le mot français qui parle? Non. Vous m'entendez? Pourquoi vous avez souligné dans tes portes? Bon, ici, je crois que c'est une autre connotation, je crois. Oui, pour dire quoi? Pour dire à l'intérieur du soi. À l'intérieur du soi. Parce que je crois que si c'était encore une relation avec la parole de Dieu où Jésus-Christ dit je suis la porte et que nul ne parvient au Père sans passer par moi. Ouais, que je suis. Ouais, que quand la Bible ne parle pas en parabole, vous voulez paraboliser les paroles, non? Je vois que c'est dans ta maison, dans ton pays. Mais ici, porte veut dire quoi clairement? Il n'y a qu'une seule signification ici que ça ne le dit. Ta maison. La maison. ni ton étranger qui est dans tes portes. Voilà. Bon. Alors, vous savez pourquoi je vous ai demandé, on a fait un stop ici pour qu'on avance. Vous vous souvenez de Malachie chapitre 3, n'est-ce pas? Le verset 10. Apportez à la maison de l'Éternel tous les dîmes. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Dieu dit, vous êtes frappé par la malédiction, le pays tout entier. Pourquoi le pays tout entier est frappé par la malédiction? Parce qu'il ne paye pas les dîmes et les offrandes. C'est quel pays dont il est question? Ici, il s'agit d'Israël. D'Israël. Bon, y a-t-il une nation autre qu'Israël que Dieu ait jamais puni parce qu'il ne paye pas, n'apporte pas les dîmes et les offrandes dans la maison de l'Éternel? Bon, à ce temps-là, c'était seulement Israël. Bon, est-ce qu'à ce temps-ci, maintenant, il peut frapper une nation à cause des dîmes et des offrandes, une nation? Bon, il ne peut pas frapper une nation, il va frapper plutôt son église. Est-ce qu'il est prescrit à l'église de payer la dîme? Bon, non. Pourquoi donc va-t-elle la frapper? Quand l'auteur de l'église a été déjà frappé. On ne peut plus frapper jamais l'église parce que l'auteur a déjà pris tous les coups. N'est-ce pas, frère? Ok. Voilà. Alors, souvenez-vous encore de la question que je viens de poser. Pourquoi Dieu va frapper la nation d'Israël tout entière? Parce que toute la nation d'Israël, ils disent toutes les cultures. Le pays est pauvre, il y a la famine partout. Ils sèment le gazim et l'armée que Dieu avait envoyée pour détruire les cultures, détruire tout parce qu'il n'y a pas de la nourriture dans sa maison. Y a-t-il dans le peuple païen la maison de Dieu quelque part où on doit apporter le repas et la nourriture? Dans le peuple païen, non. Y a-t-il chez les juifs un endroit appelé la maison de Dieu où on devrait apporter la nourriture? Dans ce temps, oui, au temple de Jérusalem. C'est donc pour cela qu'il faut bien saisir ces choses-ci. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que nous voyons effectivement que le problème du repos est un problème national. Je veux que vous saisissiez bien ceci. Vous y êtes? Exact. Il commence encore. Le frère, vous avez vu le frère Stéphane, je vous ai parlé de la mamie tout à l'heure, non? Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, la dîme était spécialement pour les enfants d'Israël, était adressée spécialement aux enfants d'Israël. Voilà. Alors, faisons un détour dans Ésaïe 58 et puis on va y revenir. Gardez le doigt là-bas dans ces exodes là. Vous voyez, ça c'est le popcorn maintenant qu'il en a fait là-dedans. Ésaïe chapitre 58. Frère Stéphane a coupé vite son micro parce que la sœur Stéphanie a lui fait les popcorn là-bas. Ésaïe 58, lisons les versets 13 à 14. Suivez très attentivement ceci. Ah, si tu retires ton pied du sabbat, toi qui fais ta volonté au jour de ma sainteté, et si tu appelles le sabbat des délices, et honorable ce qui est saint à l'Éternel, et que tu l'honores en ne suivant point tes voies, ne trouvant point ta volonté et n'usant point de beaucoup de paroles, alors tu jouiras de délices en l'Éternel, et je te ferai passer comme à cheval par-dessus les lieux hauts élevés de la terre, et je te donnerai à manger l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Donc vous voyez effectivement, il est question de problème national. C'est une question nationale. On parle de l'héritage de Jacob. Ça veut dire que tout le pays d'Israël devrait être à ce rendez-vous là. Ce n'est pas une question d'ordre individuel. Je ne sais pas si vous saisissez. Le problème de la loi, c'était la loi qui contrôlait tout Israël. Il marchait d'après la loi de l'Éternel. Il n'avait que de constitution, étant tout était régulé, la vie civile, la vie morale était réglée selon la loi de Dieu. Au point où le roi lui-même devrait avoir une copie pour agir selon ce qui est écrit. Ça veut dire que la loi de Dieu gouvernait le pays d'Israël. Mais chez les païens, il n'en est pas ainsi. C'est pour cela que c'est une alliance entre Dieu et son peuple. Mais maintenant, regardez très attentivement un fait. C'est que dans la Genèse, il n'est pas question d'une nation. Voilà le vrai problème. Dans la Genèse, notez Actes chapitre 15, on va y revenir tout à l'heure. Notez Acte chapitre 15, n'y allez pas, notez seulement, je vais vous expliquer quelque chose. Okay. Voilà. Donc, je recommence encore. Dans la Genèse, il n'y a pas Israël. Dans la Genèse, il n'y a pas Israël. Nous avons tout simplement le renseignement de ce que Dieu s'est reposé. Puis, nous voyons effectivement comment il va faire la promesse de l'appel d'Abraham au chapitre 12. Puis, il révèle au chapitre 15 que sa descendance, la postérité à qui va donner la nation, sera esclave dans un pays, va leur faire retirer. Et nous trouvons donc effectivement là, ici, où il tire ce groupe de personnes-là qu'il avait promis qu'il devait aller en esclavage. Il les tire maintenant, il érige ce qu'il avait donné comme jour de repos en loi. Donc, depuis le moment de Genèse chapitre 2 où il a donné le renseignement que Dieu se repose le septième jour, voici cela dans Genèse, dans Acte, dans Exode chapitre 20, qu'on voit érigé en loi. Donc, on voit effectivement que c'est que Dieu avait dans la pensée, il a dit vouloir mettre maintenant à l'exécution maintenant. Il va mettre à l'exécution pour que les gens puissent comprendre. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore le plan parfait parce que c'est l'ombre de quelque chose qui est censé venir. Parce que la loi de l'Israël, c'est l'ombre. Donc, jusque-là, ça dit qu'on a dû regarder comme ça l'ombre. Puis, on va voir ce qui est parfait, ce que ça voulait signifier. Amen. Amen. Alors, dans ce livre d'Exode, d'Ésaïe, chapitre 58, les versets 13 et 14, nous voyons clairement que le sabbat est un problème des nations. C'est-à-dire que c'est un problème national comme les autres lois d'Israël. Et nous allons voir maintenant la faisabilité. Maintenant, vous allez voir tout comme la dîme, tout comme le cas de la dîme, vous allez voir effectivement que tenter d'obéir le sabbat chez les non-chrétiens ou chez les non-juifs, vous voyez tout simplement. Tout comme, enfin, de toute façon, on va vous sortir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Allons dans le livre des deux rois. Deuxième livre des rois. Deux rois. Chapitre 7. Nous allons commencer au chapitre. Alors, écoutez très attentivement, nous allons commencer par le chapitre 6 à partir du verset 24 avant de tomber dans 2 rois, chapitre 7. Le frère Stéphane, tu peux nous lire. Comme ça, que sois sûr que tu n'es pas en train de regarder à la marmite. Comme ça, tes yeux seront reconcentrés dans la Bible. Donc, 2 rois, chapitre 6, du verset 24 au dernier, puis au chapitre 7. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de frêne de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria : Sauve-moi, ô roi, mon seigneur. Il répondit : Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ? Et le roi lui dit : Qu'as-tu ? Elle répondit : Cette femme-là m'a dit : Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit : Donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alors, le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans son sac sur son corps. Le roi dit : Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens : Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui. Il lui a parlé encore, et déjà, le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Chapitre 7, à partir de quel verset, frère? Sœur Linda, tu as suivi chapitre 7 à partir de quel verset? Je n'ai pas suivi. Donc tu n'as pas suivi et tu ne parles pas. J'ai dit qu'on commence du verset 24 du chapitre 6 et puis on va finir. Et puis l'histoire, ok, dans ce cas noté dans le chapitre 7 aussi. L'histoire qui se passe ici. Il parle du chapitre 7, le frère. Comment? Okay. Il parle du chapitre 7. À partir du verset 1, mais de toute façon, ça va maintenant, comme il a lu jusqu'ici. Alors, il y aura des problèmes, il y aura une famine de telle enseigne que Jérusalem sera bloquée. Au point où les gens à l'intérieur, comme vous allez l'entendre maintenant, il y a des gens qui font la réunion pour manger leur enfant. Ça, c'est physiquement. Donc, ils avaient dit, ok, aujourd'hui, tue ton enfant, on mange. Demain, quand il y a la famine, va tuer ton enfant. Et de l'autre côté, donc, l'autre femme va manger l'enfant de l'autre. Le jour qu'il fallait donner son enfant, maintenant, lui, elle va dire qu'elle ne vend pas son enfant. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau où Israël commence à tuer les femmes, commence à tuer leurs enfants et manger? Parce qu'ils avaient été encerclés par l'armée de la Syrie. Pourquoi avait-il fait? Parce qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. Dieu avait donné, et si vous lisez le livre de Deutéronome, prenez le livre de Deutéronome, chapitre 28, notez, on va y aller. À partir du verset 53, on va y revenir. Notez cela, Deutéronome, chapitre 28, on va y revenir. Si vous lisez donc c'est Deutéronome, Dieu avait donné une part de bénédiction s'ils obéissaient à la loi et une part de malédiction, les choses successives qui devaient arriver au cas où ils désobéissaient à la loi. Dieu donc, j'espère que je ne vais pas vite là. Si je vais vite, vous me dites que je me calme. Parce que c'est selon le sens de vouloir détecter. Je fais l'effort que ce soit au plus clair avant que je n'avance. Notez tout simplement de Deutéronome 28, là, verset 53 et suivant. On va y revenir. Mais Severon dit ici que tout un peuple est puni parce qu'il n'obéit pas à la loi. Vous allez voir effectivement que le roi y est compris. Tout le peuple est compris parce qu'ils ont obéi, ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et vous allez voir l'histoire des chroniques des rois d'Israël entre les rois de Juda et autres. Ça sera cela, le basculement du fait qu'un roi sera sérieux lorsqu'il sera sérieux avec la loi de l'Éternel et par conséquent avec les prophètes et les sacrificateurs qui se trouvent en Israël. D'autres vont négliger la loi de l'Éternel, se livrer à l'idolâtrie, Dieu va toujours frapper Israël comme ça. C'est pour dire que la loi donnée à Israël était une loi nationale. Alors qu'avec l'Église, Dieu traite de façon individuelle. Cette notion-là doit être assimilée avant qu'on avance. Vous suivez ça, frère? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Tu as bien compris, mon frère Charlie. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi que Dieu donne à Israël s'attend à ce que tout le peuple d'Israël se soumette. On va voir cela. Ça devrait être une loi perpétuelle au point où chaque chose était régularisée. Pour la loi sur les divorces, la loi sur les puretés, la loi sur les lèpres, tout est régularisé. La loi sur les bœufs perdus, sur les objets égarés, tout était régularisé. Il ne devait pas aller chercher de midi à 14h. Il y avait la façon de résoudre cela. Il y avait les trois grandes fêtes de l'Éternel qui avaient été instituées au point où tout le mal devait monter à Jérusalem, non sans avoir apporté quelque chose pour rendre grâce à Dieu pour cela. Et donc, toutes ces choses régularisées ici, le peuple juif est intimement lié à la loi de Dieu. Et donc, il y a du bruit chez le frère Charlie. Donc, je crois qu'il faut fermer ton micro. Quand il y a du bruit, il faut fermer le micro. Il y a des bruits des enfants. Il faut fermer le micro. Ton micro n'est pas toujours fermé. À moins que tu les demandes de s'éteindre aussi et dormir à cette heure-ci. Alors, lorsque nous voyons donc Israël de ce côté-là, nous voyons effectivement que Israël... Il n'y a pas d'Israël sans loi. Parce qu'en fait, même le nom Israël montre clairement que ça sort de la loi de Dieu. Parce que l'Israël porte le nom de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, dont je vous ai donné, lorsqu'il y aura la conférence à Jérusalem, vous allez voir Simon. Jacques va se lever, va dire Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards sur la terre pour choisir un peuple, une nation qui porte son nom. Donc Dieu a regardé une nation qui porte son nom. Maintenant, la question c'est quel est le but pour lequel Dieu décide qu'une nation porte son nom? Une nation porte son nom. Quel est le but? Quel est l'objectif? Voici la réponse. Dieu a voulu que la nation d'Israël soit un peuple ou au travers duquel il va manifester sa volonté et ses désirs afin de faire comprendre aux autres peuples ce que Dieu veut, quel est son plan et où est-ce qu'il est en train d'aller avec l'humanité. Israël donc était un prototype de la mise en œuvre du plan de Dieu. Me suivez, n'est-ce pas, frère? Alors, Dieu a un message à transmettre à l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Il se choisit un peuple où il va donner les extraits, quelques bribes en nombre, pour que, avec, en voyant ce peuple, on puisse comprendre qu'il y a un grand Dieu qui veut quelque chose. Vous voyez cela? Dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, que je viens de citer, le verset suivant dit qu'avec cela s'accorde ce qu'a dit l'Écriture. Après cela, je reviendrai et je relèverai le temps, la tente de David. Et cela, vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça dit que montre clairement qu'il y avait eu une chute d'Israël. Vous voyez, un peuple qui portait son nom. Avec cela, maintenant, s'accorde avec ce qu'il a dit dans les Écritures. Après cela, je reviendrai et je rebâtirai le temple d'Israël. Quoi, de David. Ça montre clairement qu'Israël devait chuter. Israël devait chuter. Quelle est cette chute-là? C'est une autre parenthèse où il devait se tourner vers les non-juifs afin qu'on comprenne maintenant qu'Israël a été au milieu des nations. Dieu s'est montré glorieux au milieu des nations. Maintenant, il y a d'autres peuples qui se trouvent au milieu des nations avec qui il va se réunir avec Israël pour former ce que la Bible appelle par l'Israël de Dieu. Donc, on voit effectivement que l'Israël physique était un type d'Israël spirituel que Dieu, dont le peuple dont Dieu s'est choisi et dont Dieu est leur roi et leur guide pour toujours. Ceux qui se soumettent à la loi de Dieu totalement. Amen. On peut continuer, frère, je peux continuer. Alors, dans ce livre de 2 Rois, chapitre 6, chapitre 7, il est question de la désobéissance d'Israël à plusieurs reprises, même avant d'y arriver. Et puis, le point saillant que je voulais expliquer, c'est que vous voyez effectivement qu'à Jérusalem, Dieu a amené les armées pour pouvoir encercler Israël et les punir à cause de leur malice, du fait qu'ils ont abandonné le commandement de leur Dieu. Maintenant, dans le livre de Néhémie, si nous allons ouvrir le livre de Néhémie, le frère Alex, ton micro est ouvert. Allons dans le livre de Néhémie, au chapitre 10. Quel livre, frère? Néhémie. Néhémie, oui, ouvrez le chapitre 10 et le chapitre 13. Notez chapitre 10, verset 31 et le chapitre 13, verset 16. Nous traitons, si vous venez de nous joindre maintenant, nous traitons du repos du sabbat, du repos de Dieu, traité dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3. C'est quoi le repos? Pourquoi Dieu se repose-t-il? Vous voyez que si vous comprenez que le repos est comme le repos que nous parlons sur la terre, c'est un non-sens. Parce que la Bible déclare que celui-là qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. En fait, pensez même Dieu que ça ne soit pas le Dieu d'Israël. Dieu lui-même. Si vous pensez seulement à Dieu, ou vous pensez de lui, et que vous pensez qu'il se repose comme toi et moi, comme le frère Stéphane de bailler depuis là, ça montre qu'il est fatigué. Dieu ne baille pas, mon frère. N'est-ce pas, frère Stéphane? Ah, mon Dieu. Un bonsoir et un coucou à Stéphanie. Verset 31 du chapitre 10 dit quoi, mon cher frère? Prenons verset 29, 30 et 31. C'est ça? C'est ça. Avec ma version qui est... Tu as quelle version, ma soeur? La Bible en français simple. Non, frère Stéphane, lis-nous ça, pardon. Va nous compliquer la vie ici maintenant. Frère Stéphane, tu nous entends? C'est comme s'il lit. On ne l'entend. Ah, pardon, là, tu peux le micro. Non, recommande donc pour nous. Ok. Se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promis de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils des jours de fête, les peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de le faire relâcher la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Voilà. Donc, ouais, effectivement, que dans ce verset 31 du chapitre 10 de Néhémie, des choses y sont dites, et d'après ce qu'il y a là-bas, nous commençons à comprendre que c'est à la suite de la désobéissance de la loi de l'Éternel donnée à Moïse, le prophète de Dieu, que Israël a été amené en captivité. Et lors de la réparation des brèches maintenant faites par Néhémie ici, il commence à prendre des engagements pour réitérer la loi, pour respecter la loi de Dieu telle qu'est donnée par Moïse. Et ici, il nous explique que l'un des engagements qu'il prend, c'est de ne pas faire entrer les gens, les marchandises, le jour du sabbat dans les portes de Jérusalem, et de ne point prendre les fils et les filles et leur donner leurs filles en mariage dans notre nation, comme j'avais dit. Donc vous voyez effectivement que Israël était un peuple à part, c'est-à-dire sanctifié. Vous voyez cela? Déjà parce qu'il porte le nom de Dieu. Alors, c'est vrai, on dit qu'ils commencent à comprendre que la désobéissance à ces lois-là leur a donné le droit à l'exil et les grandes punitions qu'ils ont eues maintenant. Puis là-bas, ils disent, dans ce verset 31, ils s'engagent donc comme ça à respecter cela. Et ils parlent aussi de l'année des relâches. C'est relâche, frère Stéphane, ce n'est pas des relâchés. Des relâchés, d'accord? Ce n'est pas des relâchés, c'est l'année des relâches. C'est ce qui est écrit. Alors, cette année de relâche-là consiste à ce qu'après cette sabbat, il y aura dans le moment où on va relâcher les gens, de telle sorte que si vous avez des dettes, vous pardonnez, vous oubliez toutes ces dettes-là. Et n'êtes pas demandé les tribus par rapport à leur argent. Donc, ce sont les lois qui avaient été données comme ça pour régulariser la société d'Israël afin qu'il y ait équité au milieu d'Israël, qu'il y ait la justice au milieu d'Israël. Alors, au chapitre 13. Chapitre 13, versets 16 et 17. C'est pas difficile de trouver le chapitre 13 après le chapitre 10, n'est-ce pas, frère Stéphane? Frère Stéphane est fatigué. Il faut du repos. Il faut le repos aujourd'hui, frère Stéphane. Néhémie, chapitre 16, versets 16 à 17. Vous m'envoyez, non? Il dit chapitre 13, versets 16 à 17. Allons-y. Je vais pouvoir tout retirer. Ok. Donc, tu voulais voir si on était attentif. Il y avait aussi des Syriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendait aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Verset 18 et 19. Versets 18 à 19. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Verset 19. Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrît après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Voilà. Donc, vous comprenez effectivement que Néhémie savait effectivement que un groupuscule de personnes qui n'obéissent pas à la sabbat, Dieu veut frapper, il frappe tout le monde. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous êtes dans votre coin, vous ne vivez pas dans la sanctification, c'est votre problème avec Dieu. C'est votre problème. Ça n'a rien à voir avec ta famille, rien à voir avec ta maison, rien à voir. C'est ton problème. Si tu vas rendre compte à Dieu. Maintenant, Néhémie nous montre clairement ici, il dit que c'est à cause de ces choses-là que nos pères ont péché et que les familles, la colère de Dieu s'est abattue. Maintenant, et remarquez très attentivement les gens qui faisaient ces choses-là. Il dit quelques Tyriens, ça veut dire qu'un peu comme vous serez en Côte d'Ivoire, et il y a les Libanais qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a des jours fériés que la Côte d'Ivoire au nord et les Libanais disent que ça ne les concerne pas parce qu'ils ne sont pas, ils sont étrangers du pays. Or, c'est une loi nationale. Et Dieu avait dit que tous les étrangers qui sont dans tes portes, vous avez vu cela? C'est vrai que Dieu s'attendait à ce que s'il y a les gens qui viennent de l'étranger, qui viennent dans les portes de Jérusalem, dans les portes d'Israël, qu'ils doivent observer ces lois-là. Ils ne doivent pas faire des travaux le jour-là. Qu'ils ne veulent pas, qu'ils croient au Dieu d'Israël, qu'ils ne croient pas, ils devaient se soumettre à la loi d'Israël, étant dans la terre d'Israël. Vous comprenez, mais dans les portes, n'est-ce pas? Et donc, Néhémie dit ici qu'il va mettre, il a même les gardes dans les portes parce que Jérusalem, les murailles de Jérusalem étaient une ville entourée de murailles. Il a construit, il y a une porte principale dans laquelle les gens entrent et sortent. C'est donc pour cela que quand les portes sont bloquées, les gens qui sont à l'intérieur sont bloqués, comme on a vu dans ce livre des 2 Rois, chapitre 6 et chapitre 7, où on a bloqué les gens, on est venu entourer la ville et on les a laissés dans la ville, on a coupé de l'eau à l'intérieur. Les marchandises ne venaient pas, par conséquent, les gens ont épuisé les subsistances qu'ils étaient à l'intérieur au point où ils ont commencé à manger leurs fils et leurs filles. Maintenant ici, Néhémie nous enseigne donc qu'il a bloqué la porte afin que les marchandises ne viennent pas à Jérusalem le jour du sabbat. Ça veut dire que si les gens veulent faire leur commerce, si le jour du sabbat arrive, ils attendent dehors jusqu'à ce que le sabbat passe. Quand le jour du sabbat passe, on ouvre les portes, ils entrent dans Jérusalem pour pouvoir vendre. Le but c'est de faire connaître et de faire craindre Israël sous ses souvenirs du jour du repos de l'Éternel. Or les gens voyaient que ce jour-là est fructueux. Ce jour-là, il faut qu'on puisse faire le commerce. Voilà les Tyriens qui viennent, voilà les Hétiens qui viennent, voilà les Phéréziens qui viennent pour pouvoir faire le commerce. On peut faire un grand commerce ce jour-là, mais Dieu avait dit clairement que vous devez cesser tout ce que vous avez comme activité. C'est pas ce que vous saisissez. Pourquoi Dieu fait ceci? Pour que la mémoire du Créateur soit en eux. La crainte de Dieu, tout simplement. Dieu s'en fout d'un jour particulier. Mais il est temps d'imprégner comme ça le souvenir de quelque chose qu'il a fait et implémenté en eux. Pour qu'ils se souviennent de l'empreinte du Créateur. Je ne sais pas si c'est mes frères bien-aimés. Rentrons dans Exode chapitre 20. Rentrons dans Exode chapitre 20. J'espère que le frère Alex est là. J'espère qu'il ne dort pas. C'est lui qui nous a bombardé la question ce soir. Non, en fait, comme vous avez demandé à ce qu'il ferme le casque, donc voilà. Oui, c'est parce qu'il y avait le bruit chez toi et il y avait des bébés qui pleuraient là-bas. Ah, c'est bon. On rentre à Exode chapitre 20, d'accord? Notez Jean chapitre 5. Je vais vous donner quelques passages. Jean chapitre 5. On va y arriver tout à l'heure. Voilà. Jean chapitre 5, vous y êtes. Voilà, vous avez noté. Notez cela, vous mettez de côté. Notez Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Notez, on va travailler. Chapitre 20, verset. Nous étions verset 8 à 11. Relis ça, frère Stéphane. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras le sixième jour. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. L'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu le feras. Voilà. Donc, il parle de ses souvenirs. Donc, c'était uniquement pour rappeler. Donc, les Juifs devaient tout simplement faire quoi que ce soit jusqu'aux 6 jours. Et le 7e jour, ils devaient rester tout simplement calme sans rien faire. Et s'ils faisaient quelque chose, nous avons vu, il y en a plein dans la Bible des rétributions, des châtiments que Dieu fait. Dieu voulait les faire comprendre qu'il est Seigneur sur eux et qu'ils doivent respecter sa parole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrez Jean chapitre 5. On va quelque part. Jean chapitre 5. Vous êtes dans Jean chapitre 5, frère. Oui, frère. Voilà. Verset 17, 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Maintenant vous-même, dites-moi le pourquoi on voulait tuer Jésus, d'après ce qu'on a donné là. Pour dire ses paroles. Comment, frère? À cause de ses paroles. C'est-à-dire à cause de ses propos. Ça dit quoi? Ah, on veut juger à cause de ses propos, des paroles qu'il tenait en fait. Quel propos? Bon, ça vient des propos blasphématoires, mais en temps réel, c'est juste un chépédie des paroles codées. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? On voulait tuer Jésus parce qu'il avait violé le sabbat qui était la loi pour eux. Voilà. Et donc le Saint-Esprit dit clairement que Jésus violait le sabbat, oui ou non? Ah, vous voulez supporter Jésus? Le frère Stéphane. Non, ici c'est écrit qu'il violait non seulement le sabbat. Oui. Donc, frère, donc, tu veux dire que Jésus violait le sabbat? Oui. Bon, pas en tant que tel, parce que lui-même dit qu'il est le sabbat. Que le sabbat, c'est. On va aller doucement. On va aller doucement. Jésus violait le sabbat, oui ou non? Il violait le sabbat. Donc, tu peux accuser Jésus alors, devant Dieu. C'est selon ce qui est écrit. Parce que, souvent, les jours du sabbat, il opérait des miracles, il guérissait les gens. Alors qu'il devrait normalement se reposer de ses œuvres, n'est-ce pas? Exact. Ouvrez Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13. Mais j'ai vu la sœur Louise s'est connectée tout à l'heure. Elle a des problèmes de connexion. Ok, que le Saint te bénisse. Pasteur des brebis. Alors, dans Luc chapitre 13, verset 10, qu'est-ce que ça dit? Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. En instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses, de toutes les choses glorieuse qu'il faisait. Amen. Amen. Amen. Notez encore Luc chapitre 6, verset 1. Notez. Je vais vous donner une série de versets. Notez. Que notre Père vous bénisse. Ici, à la lecture de ce passage, il y a d'autres questions qui méritent d'être posées. Oui, si on continue à poser comme ça à tous les coups, on va poser toutes les questions. Donc, note les questions quelque part. Note les questions quelque part, puis on va arriver dans une autre direction, d'accord? Pour qu'on ne quitte pas cette lignée, c'est jusqu'à ce que ce soit clair. Donc, construisons ensemble. Luc chapitre 6, verset 1. Vous avez noté? Oui. Luc chapitre 23, verset 54. Notez. Luc, chapitre. Il n'y a pas de demandé que vous fouillez. Notez. Il y en a plein de versets. Si vous voulez ouvrir, on ne peut pas tout ouvrir aujourd'hui. Je veux que vous notez et puis j'avance. Sinon, c'est beaucoup dans mon cœur. Luc, chapitre 9, verset 14. On avance. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 42 à 44. Je crois que la sœur, quelqu'un peut écrire ça sur le forum là, plus tard, pour que les gens puissent en bénéficier. Actes chapitre 13, verset 42 à 44. Et chapitre 15, verset 21. D'accord? Non. Notez Matthieu chapitre 12, verset 1 à 5. Marc chapitre 2, Marc ou Acte, frère? Marc chapitre 2, verset 27. Verset 24, prenez du verset 23 à 27. Et allons dans ce livre de Marc là. Que le Seigneur vous bénisse. Marc chapitre 2. Verset 23 à 27. Il arriva le jour de sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui dirent : Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temple du souverain sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de composition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Verset 28, enfin. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Les deux derniers versets méritent qu'on s'y penche doucement. Eh bien, nous sommes d'accord. Frère Alex, quand tu lis le verset 28, qu'est-ce que ça te dit? Vu que Jésus-Christ est le maître. Non, il y a d'abord le verset 27. Okay. Le sabbat a été fait pour l'homme. Non, pas l'homme pour le sabbat. Ça veut dire, je crois que... Donc, concernant la définition que je compte apporter, je crois pas que ça rentre dans le même contexte, en fait. Il veut dire, quand tu lis le verset 27, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire là, dans ce verset 27? Ou mieux, nous dire, comme information. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible, non? Exact. Mais vous avez traversé seulement ou quoi? Le Seigneur a été fait pour l'homme. En fait, le jour auquel, comme on peut le dire, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on devait respecter le samedi qui était le Shabbat, et que ce jour a été défini pour l'homme, et non l'inverse. Mais concernant du fait que Jésus-Christ violait, comme il était écrit précédemment, il le violait pour les Juifs, parce qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ qui en était l'initiateur, qui en était le maître en quelque sorte. Oui, bon, donc pour eux, c'est... Est-ce que le fait qu'il soit maître de la loi lui donne le droit de violer la loi? N'est-ce pas, il doit donner l'exemple plutôt de vivre celle-là? Bon, je crois que le fait que lui viole celui-là, ça veut dire que cette loi-là n'a plus de signification, n'est plus significative. Alors pourquoi donc? Pourquoi? Là, nous touchons le vrai point là maintenant. Ça veut dire que ça n'est plus significatif. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre de respecter le sabbat. Pourquoi? Quel est donc le déclenchement? Puisqu'on a vu clairement là-bas, dans ce que nous avons lu précédemment, que quand les Juifs ne respectaient pas, Dieu les frappait. N'est-ce pas, frère? Exact. Quel est donc l'élément déclencheur qui les permettait non désormais de dire, ok, maintenant nous ne respectons plus le sabbat. Le sabbat hebdomadaire, okay. Du moins. Parce qu'il n'y en a plus ce tabac. Le fait que Dieu, comme on peut le dire, punissait son peuple, c'était juste pour leur donner une ligne à suivre. Oui. Pour qu'ils soient dans un contexte précis. Oui. Et lorsque tout ce concept-là incarné, est mémorisé, il y a une évolution qui doit être faite. Oui. Parce que bon, si déjà les premiers indicatifs sont déjà là. Bon, il y a plus, je suppose qu'il y a un effort qu'il faudra faire. D'accord. Quand la connaissance est déjà acquérie, oui. Il faudrait maintenant, aller au-delà de ce qui a été connu. Oui. Que cela puisse rester incarné en soi. Oui. Bon. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ, par rapport à tout ce qui a été fait, oui. Jésus-Christ vient les apporter du fait que maintenant, c'est là maintenant je viens avec le niveau de la Samaritaine, si je peux le dire encore. Oui. Vu que lui vient changer cette dispensation, oui. Ou qui les amène à arriver à un saut, un autre sens, oui. Des écritures, un autre sens, de la marche avec Dieu. C'est pourquoi il faisait ses contraintes. Oui. Il arrivait à marcher contre les lois qui étaient établies. Okay. Pour leur dire qu'il y a eu un changement. Alors, mon frère, ouvre pour ces paroles-là, ouvre Matthieu chapitre 5, tu me lis le verset 17. Et 18, et puis tu me redis ce que tu en avais dit là. Verset chapitre 7, d'accord? Chapitre 5, verset 17 à 19, que tu lis dans ta version. Puis tu me dis ce que tu me recommences encore ce que tu en as dit. Ok, Matthieu 5, verset 17 à 19. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Alors, je continue. Non, jusqu'au 19. Tu as lu jusqu'au 19, n'est-ce pas? Non. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Voilà. Alors je pose la question, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, là, tu as dit que Jésus venait les montrer clairement qu'il a supprimé. Mais lui, c'est lui-même qui ouvre la bouche, dit qu'il n'est pas venu supprimer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en dis? Ok. Le fait déjà, parce que Les lois que Jésus-Christ avait constituées et que lui-même n'est pas venu, comme ici il est écrit, n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplit, ça signifie au fait c'est quoi? Lorsque la loi est en toi, est déjà ancrée en toi, n'a plus ses influences en toi, parce que déjà c'est déjà en toi. Et Jésus-Christ vient dit en un cas, il dit l'abolit la loi, ça veut dire au travers de la foi que tu mets en Jésus-Christ, la foi, la loi déjà, comme on peut le dire, à ce changement d'aspect. Plus que tu n'es plus sous l'influence de la loi, non. Mais parce que déjà, la loi a déjà fait ses effets en toi. La loi est déjà, comme on peut le dire, si je peux me permettre ce mot, incarnée en toi. Donc, ça n'a plus ces caractéristiques particulières en tant que tel. C'est comme, bon, quelqu'un qui veut faire le droit, il est obligé d'apprendre les thèmes de droit avant de pouvoir comprendre d'où il est en train d'aller. Maintenant qu'il maîtrise, il va maintenant sur un autre terrain. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a appris n'a pas d'effet. C'est pourquoi Jésus-Christ dit n'est pas venu abolir la loi, mais l'amplifier. C'est juste pour dire que par rapport à ce qui a été établi avant, il y a eu un changement. Là, ouais, là, sur cette base-là, ce qui nous concerne ici, c'est le jour du repos, n'est-ce pas? Exact. Et qu'il est manifestement en train de violer. En quoi est-ce qu'il a changé cela? En quoi il a changé cela? Oui. Il a introduit quoi concernant cela, au mieux, qu'a-t-il changé? Puisque partout, là, dans tous les évangiles, on voit comment on voulait le taper toujours. Parce qu'il guérissait les malades le jour du sabbat. Il faisait des choses le jour du sabbat. Et il ordonnait même aux gens de prendre leur lit et de partir. Au point où on arrêtait ces gens-là, il a dit celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et partir. On dit qu'il n'était pas permis de porter ton lit le jour du sabbat. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait leur faire comprendre au juste? En signifiant le verset 2, le verset 27 et 28 de Marc, chapitre 2, qu'on a lu là. Frère Stéphane, tu as quelque chose à dire? Verset 27 d'abord de Marc. J'ai quelque chose à dire concernant surtout le livre de Marc, chapitre 2 là. Où on disait que le sabbat, l'homme n'a pas dit que le sabbat n'est pas dit n'importe quoi. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Voilà, justement, c'est parce que, selon ce que moi je comprends, ça veut dire que certaines personnes pensent que les droits de Dieu sont posés que le dimanche, quoi. Donc c'est dimanche que Dieu nous écoute, c'est le jour du Seigneur, c'est là qu'il faut tout faire. Donc si tu ne pries en dehors de ce jour-là, c'est comme si Dieu n'est pas présent, quoi. Donc si on prend le sabbat, parce que souvenez-vous que j'ai dit ici à l'entame de mes propos que le sabbat n'est pas un dimanche, c'est le samedi. En prenant le cas des jours de repos, les jours traditionnellement admis par l'Église catholique. Oui. Ah, excuse-moi, frère. Vas-y, mon frère. Comme on voit aujourd'hui comment les gens, que ce soit un dimanche ou un vendredi, les gens ont pris un jour particulier pour dire, voilà, c'est ce jour-là que nous allons le faire. Donc, ils pensent que c'est ce jour-là, justement, que il faut être saint, ce jour-là, il faut le reste. Le jour, ce n'est pas important, mais ce jour, principalement, c'est ce jour-là qu'on doit faire ceci, c'est ce jour-là qu'on doit faire cela. Bon. Et c'est comme ça que je comprends ce jour-là que le sabbat n'a pas été fait pour l'homme ni l'homme pour le. Ou, c'est plutôt l'homme pour le sabbat. Allons à la base. Sabbat veut dire quoi? Repos. Ok, donc lis donc ce même verset en remplaçant sabbat par repos et on voit ce que ça dit. Verset 27. Puis il a dit, le repos a été fait pour l'homme et non l'homme pour le repos. Ah ah, ça commence à prendre le sens maintenant. Le fils de l'homme. Non, laisse le. Non, ne va pas là-bas, c'est notre père des manches là-bas. Finissons d'abord avec celui-ci. Oui. Alors la question c'est, il dit, le repos a été fait pour l'homme et non l'homme pour le repos. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est comme je t'explique. C'est ça que j'explique, c'est pas ma compréhension que certains gens ont pensé qu'il y avait un jour concret qu'il fallait faire certaines choses. Et cela, j'ai pris l'exemple d'un jour particulier, comme par exemple on dit le dimanche, où les de leurs plus beaux habits, ils arrêtent de faire un ceci ou cela, c'est ce jour-là, on décroche la Bible d'un coin. Bref, on se déguise, quoi. Ok. Frère Stéphane, prenons les deux sens de la flèche. Premier sens, le repos a été fait pour l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre par là que moi, quand je comprends, le repos a été fait pour l'homme. C'est que, en fait, attendez que je cherche le mot, c'est dans ma tête, mais je ne sais pas comment sortir ça. Ouais. C'est-à-dire le temps pour témoigner de notre attachement à Dieu, le repos a été fait pour l'homme. C'est-à-dire que ces jours-là sont faits vraiment pour tous ces jours. C'est-à-dire que de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est fait pour adorer, en fait. Frère, tu vois pourquoi c'est amusant? Non. Parce qu'en réalité, le verset parle du repos, toi tu parles des jours. C'est, voilà le vrai problème là maintenant. Oui. Non, en fait, ce que j'ai déjà envie de mettre, peut-être que je m'embrouille dans mes cours, parce que je suis allé dans des jours dehors des femmes. En réalité, tu es en train de comprendre le verset exactement comme les juifs comprenaient. Tu vois, mais Jésus, notre Seigneur, oui, a dit quelque chose ici dans la vérité spirituelle. Là, il est question du fait que les disciples de Jésus-Christ, eux-mêmes aussi, n'obéissaient pas au sabbat comme ils se devaient, puisqu'on a accusé ces disciples qu'ils ont pris les épis, ils ont cassé les épis, alors ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Jésus leur prend un exemple de David qui est entré avec ceux qui étaient avec lui, ils ont mangé des pains des sacrificateurs qui n'étaient ordonnés qu'aux sacrificateurs de manger. Et il a mangé et donné à ceux qui étaient avec lui. Vous pouvez regarder ça au temps des sacrificateurs à Abiathar. Alors la question c'est, Jésus dit, mais puis il dit maintenant que de telle sorte que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc le repos a été fait pour l'homme. Il ne parle plus du jour, il parle du repos. Parce qu'on dit, souviens-toi du jour du repos de l'Éternel. Il dit, le repos a été fait, pas le jour. allons lire dans les prophéties. Allons lire dans les prophéties. Ésaïe. C'est merveilleux tout simplement. Bon, ici, je ne sais pas si cette parole-là, si ça rentre dans un thème prophétique ou bien d'un thème simplement purement naturel. Bon, le repos a été fait pour l'homme. Dieu a failli faire le repos. Le repos, on a ces cas de vendre, quoi, frère. Si c'est un cas naturel, c'est juste que, bon, comme l'homme est doté de plusieurs facultés et tout qui est subi par les effets du temps, donc il a besoin, de ce repos-là pour pouvoir... L'homme a des facultés de fatigue par moment, dû au temps. Donc, à cause de cette fatigue, cet homme a besoin de repos pour se régénérer. Et le repos, pense un peu. C'est pourquoi sur le plan naturel, dans le repos se trouve où? Sur le plan naturel. Comme tu viens d'expliquer, l'homme-là prendrait le repos au frère. Lorsqu'il fait aucune activité. Là, maintenant, il commence à se reposer, n'est-ce pas? Exact. Mais là, Jésus-Christ dit que le repos a été fait pour l'homme. Voilà. Donc, là, dans ce verset, il est question du repos qui a été fait, n'est-ce pas, frère? Donc, ce repos est extérieur de l'homme. Et au mieux, extérieur à l'homme, n'est-ce pas, mon cher frère? Ok. Prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 28. Le livre du prophète Ésaïe. Lisons quelques versets. Vous voyez, maintenant, je peux maintenant commencer à parler le langage de mon père. Maintenant, vous permettez que je parle, n'est-ce pas? Pas de problème. Derrière le repos... Écoutez très attentivement. Derrière le repos se trouve la fatigue. Devant la fatigue se trouve le repos. Et par conséquent, nous nous trouvons dans un contraste entre l'œuvre et la foi. Entre la justification sans les œuvres et la justification par la foi. Dans ce milieu qu'on a de voir là maintenant. Donc, dans un. Comment, mon frère? Exact. Alors. Dans un contexte où vous voyez effectivement qu'il est question que l'homme se repose de ses œuvres. Ses œuvres, tu ne feras aucune de tes ouvrages civils. Tu ne feras aucune œuvre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il fallait compter sur Dieu. Il fallait compter sur Dieu en ce moment-là où tu ne fais rien. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Or, les autres jours, tu dois vouloir manger en croyant que tu as trop fait quelque chose par toi-même. Dieu voulait te parler de la justification qui vient sans les œuvres pour pouvoir entrer dans le repos. D'accord, mon frère? Vous entendez ça? Pour que vous entrez dans le repos de Dieu. Bon, de toute façon, lisons Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12. 11 et 12. Frère Stéphane, tu peux lire. Ésaïe chapitre 2, verset 11. Ésaïe chapitre 28, versets 11 à 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare que l'Éternel parle à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Vous entendez ce qu'il dit dans la prophétie là? Vous avez entendu ça? Donc Dieu prophétisait même le repos. Dieu prophétisait en disant que voici le repos, entrez-y. Donc le repos, c'était un lieu, n'est-ce pas, frère? Dans ces prophéties-là. Alors, chapitre 32, le verset 17. L'œuvre de la justice serait la paix, le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Aha. Encore, lis encore mon frère. L'œuvre de la justice serait la paix, le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Ça veut dire que lorsque quelqu'un sera justifié, il va entrer où ça, frère? Dans le repos. Dans le repos. Et quand tu es justifié, est-ce que tu es justifié parce que tu fais quelque chose? Non, non. Dieu voulait donc dire que l'homme, vous êtes faible, il y a quelque chose que je vais faire pour vous. La seule chose à faire pour pouvoir entrer dans cette chose-là, c'est que vous me laissez faire. Quand vous allez me laisser faire, vous pourrez entrer là où je veux que vous entrez. C'est le repos du Seigneur, ça. Ouvrons Matthieu. Regardez ce qu'il dit ici dans ce livre. Lis encore le verset de ce chapitre 32, verset 17. Et puis on va au chapitre 53, verset 11. Vous allez voir cela là-bas. Allons-y. Parce qu'on dit que c'est l'œuvre de la justice. L'œuvre de la justice sera la paix. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et le fruit de la justice sera dans le repos et la sécurité pour toujours. Donc quand tu entres dans le repos du Seigneur, tu es à jamais en sécurité. Amen. Amen. Ah, continuons. Chapitre 32, verset 17. Lis cela et puis on va au chapitre 53, verset 11 d'Isaïe. Lorsqu'on va lire maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Continuons. L'œuvre de la justice sera la paix. Mm-hmm. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Pour toujours. Chapitre 53, verset 11. À cause du travail de ton âme, il rassasiera ses regards par ta connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Voilà. Donc, on voit effectivement que c'est son serviteur juste qui est censé justifier beaucoup d'hommes à cause du travail de son âme. De telle enseigne que c'est son âme qui travaille pour octroyer la justice aux autres et par conséquent pour qu'ils puissent jouir du repos. Lisons donc son langage dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, ma soeur. Vous y êtes? Verset 28, 29 et 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ok. Venez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Aha. Frère, nous allons lire, tu vas lire ces passages, partout où il y a repos, tu mets sabbat, d'accord? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du sabbat. Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du sabbat pour vos âmes. Donc, là, mon joug est doux, oui. Et mon fardeau est léger. Donc, l'homme portait, malgré ces jours de repos physique, ils avaient été respectés, il portait toujours des fardeaux sur eux. Et Jésus-Christ dit que c'est en lui. Et nous avons lu ça dans Ésaïe 53 tout à l'heure, que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? Et on a vu effectivement c'est que le fruit de ces justices-là, et que ça va produire en clair le repos pour toujours. D'accord, mon frère. Okay, Donc, si je comprends bien, au fait, je suis en train de voir quelque chose. Si je comprends bien le repos du Seigneur dont Genèse nous parle. C'est le jour où tout le monde sera enlevé et tout le monde sera auprès du royaume et pour célébrer un peu cet aspect-là, si j'ose le qualifier ainsi. C'est vrai, on dit clairement que Genèse 2 en train de parler du moment où l'homme est restauré, où il n'a plus de fatigue, de cette pesanteur de péché de la terre, en réalité. Ok. Voilà. Maintenant, avant de voir ça clairement dans la Bible, faisons un détour dans Exode chapitre 30 maintenant. Regardons quelque chose. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. C'est quoi, frère? Non, quand la compréhension qui sort, c'est seulement merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chapitre 31, là, rapidement. Et suivez très attentivement. Je vais lire et nous allons voir ensemble, d'accord? Vous permettez que je lise? Exode 31, verset. Voilà. Je vais lire à partir du verset 12. D'accord? Bon. L'Éternel parla, je suis dans le Exode chapitre 31, à partir du verset 12. On va y faire un détour ici. Je vais dire quelque chose avant de continuer. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Regardez que sabbat est clairement pluriel. Ce n'est, il ne s'agit pas seulement du sabbat où vous demandez, parce qu'il y avait le sabbat où vous demandez et d'autres styles de sabbat. Il y avait des sabbats qui sont les grands jours, les grands jours de fête, ainsi que c'était les sabbats. D'accord? Voilà. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre, écoutez très attentivement maintenant, car ce sera entre vous et moi, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra, bon, sous une version qui n'a pas on là-bas, soulignez ce qu'il y a là-bas qui remplace là. Auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous met à part, n'est-ce pas, frère? Voilà. Verset 14, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose saine. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, vous y êtes, sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour du sabbat sera puni de mort. Verset 16, écoutez très attentivement. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Amen. À partir de ce passage, nous comprenons clairement que de façon spécifique, le sabbat a été donné à Israël. N'est-ce pas, frère? Oui. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Dieu dit que c'est Exactement. Dieu dit clairement que c'est une alliance entre lui et Israël, n'est-ce pas? et leurs descendants. Maintenant, d'où vient-il qu'un chrétien, sous prétexte en prenant les réunions que les chrétiens ont faites dans Actes des Apôtres plusieurs fois, le jour du sabbat pour pouvoir trouver les juifs qui se réunissaient là-bas, parce qu'en dehors de ce jour-là, on ne peut pas les attraper, pour dire que les chrétiens doivent observer le sabbat, alors que le maître qui est le modèle lui-même n'observait pas. Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez cela, frère? Jésus leur dit dans le verset 28 de Marc, chapitre 2, que c'est lui-même qui a donné le sabbat, parce que c'est en fait le sabbat parlait de lui. C'est lui dont il est question. Si vous venez à Jésus, vous avez le repos. Jésus était dans l'ascension, le repos était là, le repos, la porte d'entrée du repos était là présentement. Donc ce qui était prophétisé, ce qui était dit dans Genèse, prophétisé par la loi physique, était là présentement devant eux, il fallait entrer dans la réalité. N'est-ce pas, mes frères? On y va. Vous êtes prêts maintenant à entendre quelque chose? Non, c'est que moi, je ne sais pas si je comprends actuellement par rapport à ce qu'on vient de développer à la compréhension que j'ai. Nous sommes dans le sixième jour. Le septième jour sera lorsque nous serons enlevés et nous allons aller célébrer ça avec le Seigneur dans les cieux. Donc, ça veut dire que tu as tout compris, frère. Tu as bien compris. Hébreux chapitre 4. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu peux voir les frères des Adventistes septième jour pour dire, mon frère, vous fatiguez pour rien. Dis-le cela avec amour. Que vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Vous y êtes? Hébreux chapitre 4. Vous y êtes? Frère Stéphane? Oui. Oui, frère. Tu peux nous lire à partir du verset 1 du chapitre 4 d'Hébreu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrée, la promesse d'entrée dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Stoppons là-bas, frère. Donc vous voyez que le thème que nous sommes en train de travailler ici, qu'on en a développé ici, il est question de ce qu'on parle dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? Exact. Et donc, on dit donc ici que Dieu a dit, par la suite de la colère et de la désobéissance des Juifs, du fait que la parole ne pénètre pas en eux, qu'ils n'entreront pas dans son repos. Donc vous voyez effectivement que le repos du premier, du septième jour était une prophétie de quelque chose qu'il voulait signifier, n'est-ce pas, d'après ce qu'on a dit ici. Puisque physiquement, ces juifs-là, ceux qui sont tombés dans le désert, puisqu'on dit au chapitre 3 ici, de ceux qui ont désobéi, sont morts dans le désert. Et on parle même que Josué n'est même pas entré dans le repos avec eux. Puisque, et sous lisez Josué chapitre 1, les versets 1 à 3, on dit celui qui va faire entrer le peuple dans le pays que Dieu leur a donné. Or, le pays que Dieu leur a donné n'était pas le repos. C'est quand ils sont entrés là-bas que Dieu a commencé à implémenter maintenant les portes des Jérusalem qu'on ne devait pas ouvrir le jour du sabbat et ainsi de suite. Mais ici, il parle que Dieu a dit dans sa colère qu'il n'entrera pas dans son repos. Donc, ça veut dire que Dieu avait un repos quelque part. Continuons, mon frère. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant... Non, frère, si tu ne lis pas bien, tu ne dois pas saisir le verset 7 là. Relis encore bien avec la prononciation telle que c'est dit, la cadence. Allons-y. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà. Alors, ça veut dire que le repos n'était pas Canaan, mais c'était une autre chose, n'est-ce pas, frère? C'était un temps de stabilité. Voilà. Maintenant, ici, il dit que Dieu a fixé un autre jour de repos. Ça veut dire que longtemps après avoir dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, il avait achevé son œuvre. Il a dit qu'il est entré dans son repos. Il dit que les juifs n'entreront pas dans son repos. Maintenant, on dit qu'ils ont fixé un autre jour de repos. Le jour-là, c'est quoi? Ça s'appelle quoi, frère? D'après ce verset. D'après ce verset. Oui. C'est dans le verset 7 qu'on a dit. On dit le nom du jour-là, c'est quoi? Au verset 8, là, ou au verset 7? Verset 7. Le nom du jour est donné. La sœur Linda, comme tu étais quittée, là, nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Nous nous trouvons maintenant verset 7. Que Dieu te bénisse. Eh bien, on arrive. Bonne arrivée encore. Hébreux chapitre 4, verset 7. Cette fois-ci, lis toi-même, lis aussi maintenant pour voir le jour qu'on a dit là-bas. Allons-y. Tu n'as pas encore trouvé, ma soeur. Hébreux chapitre 4, verset 7. Donc, tu n'as pas toujours trouvé. Je suis à Hébreux chapitre 4. Lis donc alors. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour. Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon. Donc, le nom du jour du repos maintenant c'est quoi? Aujourd'hui. Le frère Alex, le nom du jour du repos de Dieu c'est quoi? Aujourd'hui, non, on ne peut pas dire que c'est aujourd'hui, je crois que... Mais attends, c'est ce qu'on a lu là, non? Pas ce mot aujourd'hui. Ou bien parce qu'on est lundi maintenant que ça te fait bizarre. Non. Bon, oui, aujourd'hui. Parce que bon, moi je pense que ça a une autre connotation. C'est pourquoi il y a un peu. Pourquoi il dit aujourd'hui? Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si tu entends sa voix, ça se passe que tu peux entrer dans le repos. Ça veut dire que c'est pas le jour là qui est le repos. Le jour là te permet d'entrer dans le repos. Parce qu'il a dit clairement là-bas en haut. Regardez très attentivement. Il dit, verset 3 dit quoi? Lis mon cher dans ta version. Verset 3, suis attentivement. Vous allez comprendre la condition pour entrer dans le repos de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ses œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Voilà, donc d'après ce qu'il dit, comment on entre dans son repos? Ça veut dire simplement, si tu n'es pas prédestiné, ta part, c'est l'enfer. N'effraie pas les gens, frère. D'accord. N'effraie pas les gens. Parlons doucement seulement. Dans ce verset-ci, on dit quelle est la condition pour entrer dans le repos. La condition, c'est que tu sois prédestiné depuis la création du monde. Frère Stéphane, autre chose, quelle est la condition d'après ce verset pour entrer dans le repos? Dans le verset 3. Oui. Vous vous souvenez de ce que Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 11 qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a dit, venez à moi. Quand il dit, venez à moi, qu'est-ce que venez à moi veut dire? Il veut parler de quoi? Croyez en moi. Amen. Que Dieu te bénisse, ma chère. Que Dieu te bénisse. Et quand on croit en lui, on a quoi? La foi. Et si on dit que ceux qui ont cru ont fait comment? Dans ce verset 3 du chapitre 4 d'Hébreu. Et d'un coup, ils sont sauvés. Non, regardez le verset 3, il fallait plus c'est devant vous. Entrez dans le repos. Entrez dans le repos. C'est exactement ce que Jésus disait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez? Donc, si vous venez, Jésus, quand vous croyez au Seigneur Jésus, il donne le repos. Donc, vous comprenez effectivement que le repos de Dieu, c'est la vie éternelle. Espagne dans la sérénité, oui. Bonsoir et bonsoir. Bienvenue. C'est facile, n'est-ce pas? Le repos, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, d'accord? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Señor, mi fortaleza, eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Sin ti, Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús te amo, Jesús, je Jesús te alabo, Jesús, je yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. A ti cuti, Señor, mi fortaleza, eres tu Señor, tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donne. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime. Jésus, te amo. Jésus, je te loue. Jésus, te alabo. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. A tu lado, Seigneur. Ma forteresse. Mi fortaleza. Toi, Seigneur. Eres tu, Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Et je te canto de todo mi corazón. Jesús te amo, Jesús te alabo. Yo quiero siempre estar. España de la sainteté, bonsoir. La vie éternelle en Jésus-Christ, c'est le repos dont Dieu parle. Dieu avait dit que l'homme doit se fatiguer et au finish, il va lui donner la vie éternelle après le sixième jour. Après le temps de l'homme, il va lui donner la vie éternelle. Et après ce temps-là, lorsque le temps était accompli, il a envoyé son fils pour octroyer cette vie éternelle, dont ce repos sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc la prochaine fois que vous allez rencontrer un adventiste septième jour, Dieu dit clairement que mon frère, tu n'es pas un juif. Dieu n'a pas fait alliance avec toi, avec le sabbat. Sois libre au nom de Jésus-Christ pour porter son jour. Ne pipe pas un peu ici dans la nouvelle alliance, un peu par là. La nouvelle alliance a été accomplie. La nouvelle alliance est accomplie. La nouvelle alliance est la réalité. La réalité, c'est que Jésus-Christ octroie la vie éternelle à quiconque croit en lui. Et si on croit en Jésus-Christ, on n'est pas assujetti en un jour particulier pour se reposer. Et même se reposer ce jour-là, la tentative de se reposer ce jour-là serait tout simplement les tromperies. Parce qu'en réalité, ils se trompent en disant qu'ils observent le sabbat. Parce que le jour du sabbat, les pains de proposition doivent être devant la table du Seigneur. Posez tout simplement la question, est-ce que vous mettez le pain de proposition le jour du sabbat devant le temple de l'Éternel? Est-ce que les lampes sont allumées? Posez cette question-là et vous allez voir effectivement que tout comme la dîme, comme je dis ici au milieu de l'enseignement, tout comme la dîme, il y a une impossibilité, même si quelqu'un voudrait obéir le sabbat. Même les juifs d'aujourd'hui qui sont en Israël, là, s'ils veulent obéir le sabbat, ils n'obéiront point parce qu'il y a des requis et les prérequis pour le sabbat. Le sabbat se prépare, ça s'achève, ça se vit et ça s'obéit. Et il y a des lois sur le sabbat. Maintenant, quelqu'un quitte un lieu, il fait 2 kilomètres pour aller dans son église, comme ils disent, l'église des septième jours. Il y a une distance d'un chemin de sabbat. Ça veut dire que si tu veux obéir le sabbat, il y a une distance que tu ne dois pas parcourir. Si tu on ne doit pas allumer le feu, et le feu maintenant, parce que là-bas, il n'y a pas de lumière, ça veut dire que l'interrupteur, tu ne dois pas appuyer dans ta maison. Alors, chantons Jésus te yam. Ah, il y a une question. Eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Sin ti, Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús te amo, si yo te amo. Jesús te alabo, si yo te amo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. A ti cote, Señor, fortaleza, fortaleza, eres tu Señor, tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Y yo te chanterai, Señor, de todo mon cœur. Sans toi, Señor, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donnes. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime. Jésus, te amo. Jésus, je te loue. Jésus, te alabo. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. A tu lado, Seigneur. Ma forteresse. Mi fortaleza. Toi, Seigneur. Eres tu, Seigneur. Alors, oh, Fede, moi, il y a une question. Oui, pose ta question, mon cher. Fede, donc si, hein, par rapport à tout ce que nous avons lu, concernant si les dénominations se basent sur ce jour, c'est-à-dire tout le monde est dans la fausseté. Ça, c'est la conclusion que tu tires et c'est la meilleure conclusion. Ah, c'est bien. Il faut vous aider. Ouais. Pourquoi tu fiasses pour mon frère? L'homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été destiné, n'est-ce pas? Souvenez-vous, dites aux Adventistes septième jour qu'en fait ils n'obéissent point à leur sabbat biblique. Parce qu'après sept sabbats, ils doivent aller faire le relâche. Ça veut dire que si quelqu'un leur doit de l'argent, il ne doit plus demander cela. S'il y a des enfants qui louent leur maison, qui n'ont pas payé, ils vont laisser les enfants là tranquilles. S'ils ont des boys, des bonnes choses à la maison, ils doivent les laisser partir. Ce sont les lois du sabbat. Et à la 50e, ils doivent se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Vous voyez comment Dieu libère les gens. Les gens ne viennent pas toujours se mettre en prison. C'est un peu comme quelqu'un qu'on va, il sera dans une prison pour longtemps. On veut ouvrir la grille de prison, que sort. Lui, il s'avance encore, il prend encore la porte, il ferme encore, il reste là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. À vous également. Gino. Oui. Quel? Oui. Qu'on parle. On doit parler. Espagne dans la sécurité. Oui. Bonsoir et à bientôt. Ok, maman. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et que le Seigneur vous bénisse. Ok, lundi prochain.